1, 2, 3. Deuxième partie de Pour une épistémologie décoloniale. On y entend Omar Jabari Salamanca, on y entend Nordine Saïdi, on y entend le public aussi qui pose ses questions, qui donne son avis, ses impressions. Nordine Saïdi qui fait partie de Bruxelles Panther, Omar Jabari Salamanca qui est un gros chercheur. En tout cas, si vous voulez vraiment plus de détails, je vous invite à aller écouter la première partie qui explique tout ça vraiment en introduction. Donc là maintenant, deuxième partie et dernière. Ça c'est ce que je voulais dire en premier. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est un micro ouvert qui date... Donc c'est 5 mois après le 7 octobre, mais ça change rien, évidemment, ça change rien. Voilà, je voulais dire ça aussi. Effectivement, pour nous, la perspective d'un État reste une perspective, un idéal, et on ne se permettra pas d'intervenir dans les relations, on va dire, intra-palestiniennes. Mais notre perspective reste celle-là pour nous, avec le luxe d'être ici. On ne peut souhaiter que ça. Et pour oublier la Palestine et pour parler de nous, est-ce que tu as parlé... On dit souvent, je crois qu'on l'a dit à chaque rencontre, on l'a abordé à propos des contradictions de la loi. Tu as cité, ben voilà, on fait appel à la loi, c'est contradictoire ou c'est paradoxal au fait que c'est la loi coloniale qui a créé l'État. Donc ça, on est d'accord. Nous, Bruxelles Panther, on assume nos contradictions. On n'a pas le luxe de la pureté idéologique, comme on dit. Et donc, ça serait pour revenir sur la résolution de l'ONU qui déclare que le sionisme est du racisme, qui existe pendant de très nombreuses années. Juste une précision, c'est la résolution qui l'abroge, est la résolution la plus courte, en fait, des Nations Unies. Elle abroge donc la précédente en une phrase. Et donc, l'importance de ça, c'est que, juste qu'elle abroge. Donc, en fait, elle n'argumente pas que l'ONU s'est trompée et que le sionisme, en fait, n'est pas du racisme. Juste, elle dit, on l'abroge. Et en fait, c'est une histoire de rapport de force politique. Il y a post-Oslo, mais aussi la guerre d'Irak, où il y a la négociation... Et donc, pour nous, ici, et pas pour les Palestiniens, au jour où, en fait, dans des partis politiques, dans des personnes académiques, des personnes journalistes, c'est tout à fait normal, en fait, de dire « je suis sioniste ». Et donc, pour nous, citoyens belges, sachant que le sionisme est un racisme, qu'il est lié à l'islamophobie, qu'il est une forme de suprémacisme, est-ce qu'on ne devrait pas, nous, hormis les Palestiniens, retravailler en fait à rendre ce terme, juste ce mot, infâme en fait, que les gens politiques, que les organisations, que des journalistes en fait ne puissent plus dire en toute fierté que, voilà, je fais partie d'une organisation sioniste ou même post-sioniste ou a-sioniste. Comme je pense qu'à une époque, personne ne se présentait comme « je suis un sympathisant de l'apartheid » ou « je ne suis plus pour l'apartheid, je suis post-apartheid, je suis post-nazi, post... » En fait, il y a tous ces termes qui seraient incompatibles, dont personne en fait accepterait cette contradiction. Mais on l'accepte pour le sionisme. Je suis post-sioniste, a-sioniste... mais jamais anti-sioniste. Anti-sioniste est toujours associé à la suspicion, encore plus quand on est arabe ou musulman, à être antisémite. Donc pour nous, en termes de campagne électorale, aussi 2024, les élections européennes, est-ce qu'on n'a pas un job de militant à rendre le sionisme infâme et redemander, en fait, refaire appel à cette loi, peut-être, à nos autorités, pour déclarer que le sionisme est une forme de racisme? Oui. Donc le sionisme est une forme d'antisémitisme. Aussi. Moi, je pense qu'il y a aussi. Bien sûr. Mais oui, la réponse, elle est oui. Je pense que, ben, palestinien ou pas, tout le monde devrait être plus conscient de qu'est-ce que c'est le sionisme, qui s'essaye en plus de nous dire que l'antisémitisme et l'antisionisme, c'est la même chose. Mais c'est ce qui est absolument ridicule, c'est qu'aujourd'hui, ils nous amènent ces arguments encore quand on voit de milliers et de milliers de camarades juifs antisionistes partout dans le monde qui sont en train de faire ces arguments. Aujourd'hui, en Allemagne, je ne sais pas si vous avez suivi toutes ces controverses autour dans le monde de la culture, mais les Allemands pas juifs sont en train de criminaliser les juifs allemands, en train de les accuser d'être antisémites. Mais c'est dingue, quoi. C'est vraiment dingue. Et ils ne se rendent pas compte. Et alors, faire les sionismes, comme tu dis, une famille, comme dire je suis du Ku Klux Klan, quoi, bah, ça devrait être le plus naturel. Et c'est dans ce sens que déjà, il y a plein de gens qui ont travaillé et il faut continuer. Et dans ce sens, pour ça que je dis aussi que c'est le mot génocide. Et voilà. Pour revenir, qu'est-ce qui se passe si demain les cours ils disent ce n'est pas génocide? Est-ce qu'on va abandonner le mot? Il faut pas. Et c'est là la contradiction. C'est bien possible qu'ils disent non. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Nous on dit depuis 48. Ouais. Vraiment génocide depuis 1948 en fait. C'est... Et on doit continuer dans ce sens-là. Et il faudrait même aller avant. Enfin, si on comprend le sionisme comme c'est ce que c'est, qui est un projet national suprémaciste du colonialisme du peuplement qui commence avant que l'État d'Israël soit établi. Le premier colon arrive en Palestine dans les siècles 19. Et c'est à travers des vagues. Il ne faut pas aussi oublier que le sionisme, il n'aura pas eu une place si ça n'aura été pas par les Anglais, qui ont facilité l'installation et la construction de l'État d'Israël. Et c'est dans les années 30 que les Palestiniens se sont organisés entre 1936 et 1939 d'un sens de plus large manifestation, enfin c'est pas une manifestation, de strike. Une grève de travailleurs qui a duré 3 ans contre l'empire britannique. Et on oublie ça. Et ça fait partie aussi de cette logique d'élimination. Pour moi, le génocide en terme comme terme, il est bien... dans le sens qu'il appelle une conscience, génocide et les crimes des crimes, et il amène tous ses bagages historiques. Mais pour moi, c'est ce qui est plus intéressant que le terme génocide, et c'est ce que un gars qui s'appelle, qui est mort maintenant, un camarade, un académique intellectuel qui s'appelle Patrick Wolfe, un Australien, qui avait écrit sur la question du colonialisme du peuplement et la logique d'élimination. Ça, c'était la phrase. Ça, c'est une phrase qu'énormément d'académiques dans tous ces mondes de colonial, dans les dernières 20 ans, 30 ans, ont cité. Aujourd'hui, on les voit nulle part, tous ces gens. Nulle part. Et les gens, ils ont oublié cette partie de la logique d'élimination. C'est ce que Patrick, il disait. C'est qu'en fait, les génocides, ça fait... partie du colonialisme, pas seulement du colonialisme des peuplements, mais que ce n'est pas que ça. Qu'il y a des autres formes dans lesquelles le colonialisme du peuplement arrive à éliminer à la population indigène. Et pas d'une façon physique. Cette élimination, ce n'est pas nécessairement par une élimination du corps, par tuer pour cette criminalité. Mais ça se passe, si pensons par exemple aujourd'hui l'État d'Israël, comment ils font que le Palestinien arrête d'étudier l'arabe, qu'il ne reconnaît pas la langue, qu'il fait qu'on va effacer toute une culture, on ne permet pas de parler l'arabe dans des écoles, de rappeler leur histoire. Ce processus d'assimilation est aussi une forme d'élimination. Alors, l'idée d'élimination est, pour moi, beaucoup plus puissante beaucoup plus puissante que l'idée même des génocides en relation à cette idée de colonialisme. Le colonialisme de peuplement n'est pas reconnu légalement comme quelque chose d'illégal, non ? Le génocide, il est... Alors voilà, on revient à cette contradiction. On utilise ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, non ? Et je voulais dire aussi une autre chose. Effectivement, le sionisme, ils nous ont dit que le sionisme, il a promis un espace de sécurité pour la communauté juive en Palestine. Et on voit aujourd'hui que c'est complètement le contraire, quoi. Voilà, bah, certainement pour les Juifs, non ? Mais c'est ce qui pour moi c'est intéressant, et quand tu disais cette idée, non, de post-zionisme, et c'est vrai, ça fait ridicule. Dans les années 90, avec Oslo qui était une mensonge, mais cette mensonge a permis des choses de se passer, et entre et parmi, je parle de ce que je connais un peu mieux, non, mais parmi des académiques israéliens, ils ont commencé à publier des choses et avoir une école de post-sionisme, non, c'était le révisionnisme. C'est de là que des gens comme Ilan Pappé, ils sont sortis de cette école, non. Ilan Pappé, le seul qui a survécu cette vague post-sioniste pour devenir un des seuls et peu israéliens qui a été de façon consistante anti-sioniste. On ne voit pas trop, quoi. J'essaye chaque fois, et on connaît des Israéliens. Mais au moment, ou dans des moments comme ça, des Ilan Pappé sont rares, non ? Et... Il y a quand même, moi j'aime beaucoup, c'est comme je dis, c'est respect en fait, ceux qui sont clairs. Il y a Benny Morris, qui est de l'autre côté aussi, de gauche, et qui dit, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas fini le travail à l'époque. Mm-hmm. C'est Ilan Pappé le seul, et d'autres qui assument, en fait, en 48, Sharon aurait dû terminer le travail. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancré chez les sionistes. Et des fois, ça fait penser. Quand un sioniste vient et te dit... Écoute, on a souffert un génocide. On n'avait pas des autres options. On a dû faire ce qu'on a dû faire pour sauver notre peau. Et on les référait. C'est ça que Benny Morris il dit. Et on va continuer à le faire. Pour sauver notre peau, non? Et cette idée, elle est tellement ancrée. Et moi, je peux comprendre qu'il y avait une nécessité. Mais alors... Là, on voit beaucoup de juifs et non-juifs qui nous ont expliqué qu'aller à la Palestine, coloniser un peuple et faire ce nettoyage ethnique n'était pas la seule option pour les juifs contre l'Holocauste qu'on a vu. Il y avait parmi les juifs beaucoup de groupes organisés qui voulaient et qui pensaient et qui croyaient qu'il y avait des autres possibilités, comme s'organiser en Europe pour défendre leurs droits. Parce que c'était des gens qui étaient nés en Europe, des générations. Cette idée qu'il y a une connexion directe entre les Juifs et la Palestine est aussi un mythe et un mensonge. Pas tous les Juifs viennent de la Palestine de façon historique. Il y a des Juifs qui se sont convertis un peu partout. Il y a des bouquins qui expliquent ça de façon claire, non ? Alors, il est de Michel ici, Michel Siboni, Michel Stavchaski, qui sont venus, normalement, pour ceux qui étaient là, remettre les points sur les i. Hein. Ouais. Et donc aussi de préciser que les anti-sionistes ont été, en fait, la majorité des Juifs pendant des années. Ouais. Donc des Juifs qui s'opposent à aller en Palestine, ça a été la majorité, en fait. Et donc, des Juifs en Europe, pendant, après le génocide, qui, parce que ça, c'est valable aussi dans les colonialistes, souvent, oui, mais c'est d'époque. Comme si d'époque, tout le monde était pour aller coloniser la Palestine. Ou comme si d'époque, tous les Belges étaient... et qu'il n'y avait pas des Belges anticolonialistes. Non, déjà à l'époque, des Juifs s'opposaient à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Effectivement. Et je pense qu'à la fin, ils sont croisés en trous très obscurs. Et on les voit aujourd'hui. On les voit dans le sens de comment la communauté internationale, le pays en Europe, aux États-Unis, il continue à appuyer quelque chose qui est inacceptable, qui est évidemment inacceptable. Mais le sionisme a croisé un trou dans lequel ils sont amenés énormément de gens et maintenant ils ne savent pas comment s'en sortir. Parce que sortir de ces trous, c'est reconnaître que tout ce mythe du sionisme a été fondé sur des crimes et des crimes et des crimes qui ont été aussi des crimes, quelque part, effectivement, contre les Juifs, qui ont détruit des langues, une culture, se sont opposés à l'idée, non des... Mais bon, si vous avez déjà parlé de ça, ça va pas. Mais voilà, c'est aussi pour rajouter un autre exemple de sionistes, et comme on voit, non en Israël, aujourd'hui, il y a les gens... Et c'est très intéressant de voir... Enfin, aujourd'hui, la plupart en Israël sont plutôt pour ce gouvernement fasciste, pour cette idée de continuer à coloniser. Maintenant, allez, vas-y, c'est le moment, il faut coloniser tout. Il faut finir le travail, comme tu dis, non? Mais il y a eu un moment, juste il y a 2-3 ans, dans lequel on voyait très clairement ces contradictions. Pas les dernières 2-3 ans, ça fait depuis beaucoup de temps, non? Mais entre ces colons qui sont arrivés avant 48 ou avant 67 et qui voyaient leur position comme respectable, c'est-à-dire avant avoir occupé la Cisjordanie et Gaza, et la position de ceux qui ont arrivé après 67, surtout après les années 90, qui ont commencé à coloniser ces territoires et qui étaient vus par ces colons d'avant 67 comme problématiques. Alors ils disaient, non, Tel Aviv, ça va, mais Maale Adomim, Omodin, Elit, ou des autres colonies, ça va pas. Entre eux, hein, entre eux. Pour nous, quand on comprend l'histoire de la Palestine, justement, comme une histoire du colonialisme, du peuplement qui commence à ces moments-là, on voit ça comme un entier, un complet, une histoire qui fait du sens, qui est écrite, non? C'est pas une partie ici et une partie là-bas. Tel Aviv, c'est une colonie comme Modi'in, Ilit, c'est une colonie. Ça, ça veut pas dire que les Israéliens doivent partir. Ça, c'est pas la question. La question, c'est de reconnaître d'abord c'est quoi la nature du problème, parce que sinon, on va aller nulle part. Comme ça. Voilà, merci. Merci pour votre intervention qui porte essentiellement sur, je veux dire, le sioniste assumé, dont le contenu des discours est connu et très radical et déterminé et déterminant. Mais la question que je voudrais vous poser, elle concerne celles et ceux qui se présentent ou sont considérés comme progressistes, mais qui recycle une grande partie des arguments sionistes, mais en se montrant comme soutenant la lutte palestinienne avec une très forte idéalisation et romantisation de la lutte en tant que finalité plutôt que la libération, sans tenir compte du fait que la libération, ça a un coût. Et c'est essentiellement les personnes qui sont victimes du sionisme qui ont, je veux dire, le pouvoir décisionnel sur les moyens et les luttes qu'elles ont à mener. Et donc le problème avec cette personne, c'est que ben justement, on les a parmi nous. Et la question, c'est quelle doit être notre posture vis-à-vis d'elle, sachant que ben, ceux qu'on a en face, les ennemis de la cause palestinienne, entre guillemets, ils ont facile d'appuyer sur la gâchette de bah, « voilà, vous vous tirez des balles entre vous », etc. Mais qu'en même temps, c'est catastrophique ce type de discours pour la lutte qui participe à affaiblir tout simplement. Parce que soit les personnes sont dans cette espèce de romantisation des postures de lutte. C'est très à la mode en Occident de dire « ouais, la lutte ». Et on le voit sur les réseaux sociaux, ça va très loin avec... l'association d'images issues de l'intelligence artificielle pour reproduire le catastrophisme et la mort, etc. Et ça en devient glauque. Et avec une esthétisation de tout cette ambiance mortifère. Mais c'est des personnes qu'on retrouve aux estrades, dans les universités, etc. Et qu'on va montrer et qui vont se positionner comme étant pour la lutte palestinienne. En fait, je voulais rebondir sur ce qu'elle a dit juste là, parce que c'est vrai que l'épistémologie décoloniale, elle doit se concevoir dans une vraie guerre épistémologique, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que quand on a affaire à des sionistes, et on est à Bruxelles, enfin moi dans mon milieu, j'ai que ça, il y a vraiment des termes ancrés, on dirait qu'ils ont tous été hypnotisés, et quand tu reviens avec des choses historiques que tu mets sur la table... T'as l'impression parfois que ça ne pénètre pas leur esprit. En plus, il y a cette optique maintenant, à cause du 7 octobre, de faire passer la lutte du peuple palestinien pour un terrorisme, d'assimiler le Hamas à Daesh, etc. Et donc, on a encore plus de mal à avoir accès à cette épistémologie libératrice, en fait. Donc, il y a un manque de connaissances historiques qui évolue. De deux, je voulais aussi parler des séfarades, parce qu'on a parlé de l'Holocauste, de l'Europe, mais moi je trouve que les plus sionistes, et on le voit à la télé, en France, c'est quand même des séfarades, on ne comprend pas très bien. Moi je ne connais pas très très bien l'histoire de ce qui s'est passé en 48 dans les pays arabes, mais de nouveau c'est très invisibilisé, et je crois qu'il y a un but derrière, c'est de faire croire aussi aux juifs du monde arabe qui sont en insécurité là-bas. Donc c'est vraiment se poser la question de prendre des termes de l'épistémologie sioniste et d'arriver à chaque fois à y accoler vraiment un terme de l'épistémologie décoloniale. Et donc il faut vraiment être en miroir de tout ça, parce que sincèrement, je trouve que dans le quotidien, c'est très très compliqué. Quand tu parles... Enfin, attends, pardon. Mon français n'est pas parfait. Alors normalement, je vais tutoyer ça. Quand tu parles de cette romantisation de la lutte dans la gauche ou dans des... C'est la lutte armée que tu veux dire qui est en particulier idéalisée ou c'est... C'est la posture d'être dominé face à des dominants. Ouais. Ben moi, c'est ce que je... Dans le milieu, moi je suis entre les milieux académiques, souvent un milieu culturel. Et c'est ce que je vois, en fait, ce qui a clashé, ce qui n'a pas passé avec cette histoire octobre, c'est que tous ces progressistes... Tous ces gens qui se disent de gauche, c'est justement la lutte armée qui a devenu un point de blocage. Alors qu'on n'a pas... Il y a différentes raisons pour ça. D'abord, islamophobie. Alors on voit Hamas. Quand on dit Hamas, c'est voilà, comme si on dit Daesh, comme si on dit ISIS. Mais c'est un imaginaire qui est très ancré ici dedans, quoi. Ça mobilise toute cette islamophobie qui est viscérale. Alors les gens, ils ne voient pas des Palestiniens, ils ne voient pas des armées résistantes, enfin, des gens qui font la résistance armée. C'est ce qu'ils voient, c'est des gens en train de dégorger des gens, quoi. C'est ça, non? Alors ça, c'est très puissant et ça n'aide pas. Mais c'est ce que moi je vois dans la gauche, que c'est cette idée de la résistance armée qui n'a pas passé. Pareil avec les Israéliens qui ont pendant un moment occupé un niche dans l'académie, je parle maintenant, qui ni on est anti-sioniste, ni on est sioniste. Un niche comme ça, un peu très vague, et qu'aujourd'hui, ils ont été complètement impassibles par rapport à tout ce qui est en train de se passer, en train de demander une reconnaissance de la massacre de leur famille, leurs copains, leurs concitoyens. Et qui posaient cette demande aux autres, qui étaient en train de défendre les Palestiniens, de la façon dans laquelle j'ai raconté avant. Pourquoi on doit... Et c'est horrible, évidemment, c'est horrible. Mais depuis quand, dans un contexte colonial, ceux qui sont colonisés ont été demandés, avant de commencer à parler, à condamner leur attaque après 100 ans de colonisation. Et ça, c'est ce que je vois. Alors qu'après, il y a une romantisation de la lutte sans compréhension de ce que ça veut dire, bah, je pense que ça, c'est l'ignorance et une façon de postureo, non? D'avoir une posture comme ça pour... Quoi à faire avec ça? Je ne sais pas. Call it off. Je pense que c'est important, non? De que les gens reconnaissent que les gens, ils prennent pas les armes parce qu'ils veulent. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos de la résistance à Gaza, que les gens vont en flip-flops comme ça. Ils sont pas des, c'est des gens de jour à jour, c'est des travailleurs qui sont en train de se défendre d'un génocide qui dure maintenant 5 mois. Non alors, je pense que c'est important de faire beaucoup de pédagogie. Et ça, c'est un peu... c'est les problèmes. Moi, je comprends que les gens, ils ne comprennent pas et qu'il y a énormément d'ignorance. Moi, j'ai dû faire... Moi, c'est ça que je fais. Je suis payé pour lire sur ça, pour travailler sur ça, pour lire. J'ai cette privilège. Je travaille à l'université jusqu'au j'ai un contrat. Je ne sais pas quand est-ce que le contrat va se finir bientôt. Mais pendant les dernières années, j'ai eu ce privilège de pouvoir lire. Et je peux comprendre que pas tout le monde peut savoir qu'est-ce qu'il est en train de se passer en Palestine ou à Soudan ou au Congo. Ou, enfin, ici, en Belgique, il devrait le savoir, au moins ça. Mais comment on peut demander que les gens, comment on peut attendre que tout le monde sache les détails, tous ces détails, tu vois, toute cette histoire? Moi, ça me paraît difficile. Et il y a, de façon parallèle, activement, quelque chose qui n'aide pas et qui, effectivement, est effacé. Mais alors, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. Et on est fatigué de faire de la pédagogie, non? Et pas tout le monde peut le faire. Et je pense qu'il y a des gens pour tout. Des gens qui peuvent faire pédagogie et des gens qui doivent être énervés. Et tous sont importants dans cette lutte, non? Mais qu'il y a toute cette ignorance, effectivement, ça fait partie. Moi, j'ai donné des cours à Gand entre 2000... 2016, 2018, 2019. Et j'ai donné un cours de postcolonialisme. Ça, c'était les cours. Je ne pense pas qu'il y avait trop de cours de postcolonialisme en Belgique à ce moment. Et c'était le moment de la, comment on dit, the unbearable hotness of decolonization. Non? On a vu passer des colonisations un peu partout. Non? Mais moi, c'est à ces moments que je me rends compte que c'est hallucinant qu'on a un système dans lequel nos jeunes, nos enfants, nos frères, nos pères passent 20 ans dans un système éducatif qui ne nous montre pas rien. Qu'à 20 ans, dans un cours de master, je pourrais en train de, je ne sais pas, de faire des propositions pour fixer le monde et je dois être en train de m'informer moi-même de colonialisme belge pour essayer de communiquer ça chez des gens qui participent dans les séminaires que je suis en train de donner. C'est alors, je pense qu'il y a énormément d'ignorance. Il faut qu'on fasse énormément de pédagogie. Et voilà, je reconnais que pas tout le monde est prêt à faire la pédagogie et qu'on a assez du monde pour que différentes personnes. Mais en même temps, il faut effectivement aller et dénoncer pour ceux qui connaissent déjà, soit si c'est le sionisme, la Palestine ou le Congo ou n'importe quel autre lieu, de dire et dénoncer la façon de laquelle ils veulent nous faire ignorants, non ? Et essayer de call it off constamment, dans des dîners, dans nos travails, avec nos copains, nos amis. Comme toujours, il y a des événements comme ça, comme la guerre de Syrie, comme cette génocide. Il y a toujours des familles qui se casent, des relations d'amitié qui se casent, parce que ça fait partie et c'est important, non ? Et oui, par rapport à la question de Sepharad ou de Mizrahim, c'est ce qu'on voit en Palestine, c'est que, voilà, c'est pas que eux. Alors, il faut pas oublier l'Askenassim, à la fin, le blanc juif sioniste qui sont en Palestine et qui, à la fin du jour, sont encore là, en train d'avoir un énorme pouvoir, non ? Mais on les voit, quand on comprend la race comme une construction sociale qui est en échelle, et on voit ces Sépharades ou ces Mizrahim qui ont vécu leur vie depuis qu'ils sont arrivés en Palestine, ils les ont mis dans des champs de réfugiés, en dehors, dans les lieux de la frontière coloniale, loin de la ville, loin de là où il y avait des travails, sans nécessairement pouvoir recevoir la même éducation que leurs compatriotes sionistes askenazi qui habitaient à Tel Aviv ou à Haïfa, et qui ont dû être plus violentes que les askenazis pour se faire accepter. Et on le voit dans l'armée, chez les gens de 18 ans, 19 ans, 20 ans qui se trouvent dans un checkpoint. C'est les femmes, c'est les racialisés qui doivent être plus violents avec les Palestiniens pour se faire accepter par ses camarades askenazis, non ? Et ça, ça fait partie. C'est pas une excuse. Mais je pense qu'il faut voir et reconnaître que comment ces relations racialisées se passent et c'est quoi les dynamiques, non ? C'est important de reconnaître cette histoire. Mais aussi de voir comment ces Arabes, à la fin du jour, se reconnaissent pas comme Arabes. Bon, l'autre jour, j'étais en train de voir les chefs de police qui travaillent pour cette Ben Gvir en Israël, qui est un Irakien et qui parle des Palestiniens, enfin, pas des Palestiniens, qui parle des Arabes comme si c'était des animaux. C'est hallucinant, dans ces peu de temps, comment ils ont réussi à faire que ces gens se déconnectent complètement de ce qu'ils sont. Et il y a tout ce travail de le faire ignorant, de propagande, de faire partie d'une communauté, d'une nation, de mobiliser le terrorisme pour créer la société israélienne. Elle est une des sociétés plus fragmentées et inégale. Tu vois, c'est hallucinant que ce truc reste de façon cohésive comme ça. Et c'est dans des moments comme ça que ça aide, non ? Ils disent, voilà, tout le monde est contre nous, il faut se mettre ensemble, c'est maintenant ou jamais. Voilà, des gens qui sont divisés, pas seulement par la race, mais par la classe aussi. C'est comme ça qu'est aussi ce processus que je disais d'élimination de la classe palestinienne dans les territoires 48 en Israël aujourd'hui, non ? C'est aussi à travers la classe qu'on réussit à faire que les Palestiniens ils commencent à déconnecter. Et il y en a. On les fait travailler, on les donne un travail un peu mieux. Voilà, tu as plus à risquer. Il faut mieux qu'on ne parle pas trop. À ces moments, de toute façon, c'est différent parce que n'importe ce que tu dis, même si tu fais un post en ligne, il vient te chercher la porte à la maison. Mais il y a beaucoup d'ignorance et on le sait. Il faut travailler contre. Et je ne sais pas vraiment comment faire d'autre. Mais c'est ce que je sais, c'est que c'est ce qu'on est en train de voir, c'est horrible, mais que ça nous aide. Et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de basculer. Et il faut en profiter maintenant pour continuer à pousser. Que c'est un moment d'ouverture politique aussi. Et que même si, voilà, comme je dis, c'est un horreur que ça prend 30 000 vies, toute cette destruction, tous ces gens, toutes ces vies. Mais voilà, il faut faire ce travail. Ouais. Cette discussion, Marc, ça me fait, quand tu as parlé que le génocide, ce n'est pas forcément physique et que c'était aussi dans les aspects de la culture, de la langue. C'est bizarre, mais ça illustre aussi en fait ce qui est passé avec les Juifs séfarades. Comme je l'ai dit, pour nous, le sionisme est une forme d'antisémitisme. Mais en fait, ce génocide qui ne touche pas les corps, il est très illustratif de ce que sont devenus les Juifs marocains, les Juifs irakiens, les Juifs égyptiens, qui aujourd'hui, en fait, se croient blancs. Se croient blancs, même d'un point de vue vestimentaire, leur pratique religieuse, en fait, est très loin de ce qu'est le judéo, les judéo-arabes qu'ils étaient, en fait. Ils sont devenus, dans leur tête et dans leur corps, des askénas. C'est hallucinant. Et si ça vous intéresse, il y a un magnifique livre sur ça, c'est de Ella Shohat, le sionisme du point de vue de ses victimes juives aux éditions La Fabrique. C'est vraiment, je le recommande pour voir un petit peu ce qu'il est devenu, de la manière dont étaient traités les séfarades quand ils sont arrivés en Palestine, en fait. On les a traités comme des Arabes. Oui, parce que finalement, c'est ça, je pense que quelqu'un l'avait dit, non ? À la fin. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont en train de faire comme ça quand ils voient les Juifs et les Arabes. Enfin, ce n'est pas incompatible, non ? Mais en Israël, non ? Les Juifs blancs ou arabes contre ces Palestiniens, arabes, musulmans, chrétiens, en train de se battre. Et c'est ça. Et je répète, c'est très émouvant de voir que finalement, dans des contextes comme l'Amérique du Nord, on a un mouvement de juifs anti-sionistes, mais aussi ici en Europe. On est en train de voir comment en France, maintenant, il y a des mouvements qui commencent à se mettre en place. Ici, il y a another Jewish voice. On le voit peu à peu. Ça arrive, non ? Et c'est bien que ces mouvements existent parce que on commence à voir les cracks de ce mouvement sioniste. Et j'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Pas seulement les travaux que nous on fait parmi nos groupes, nos copains, etc. Mais aussi, avec l'aide de ses camarades juifs anti-sionistes, non ? Mais tu l'as dit, en fait, la limite du romantisme, pour moi, elle est liée, mais tu l'as dit, à la question de l'islamophobie. Le romantisme dont parlait l'intervenante, il est, les Palestiniens, ils luttent par l'art, ils luttent par la non-violence, ils luttent par... Mais on a vu la limite, c'est... Quand ils prennent les armes, là, ça, c'est stop, quoi. Mais c'est pas seulement ça, mais c'est que, ouais, voilà. J'avais pas pour ça que je demandais si c'était la question de la lutte armée, parce que pour moi, c'était vraiment ça que j'ai observé, qui étaient les points de rupture, non, dans la gauche, dans les derniers mois, non. Bien sûr, il n'y a pas un large mouvement de soutient la résistance. Donc, pour moi, le romantisme, il s'arrête à la prise des armes, en fait. En tout cas, pour les Palestiniens. Il y a quelque chose très... c'est qu'on veut voir les victimes palestiniennes ou pas comme les victimes parfaites. Alors, toujours, on est des colonisés, victimes qui souffrent. Voilà, c'est dommage, c'est triste, c'est dégueulasse, c'est ce qu'ils font. Mais le moment dans lequel, effectivement, il prend un pas pour se défendre, alors là, c'est pas la victime parfaite, quoi. Et quand c'est pas la victime parfaite, ça pose des problèmes, non? Et c'est ça qu'on a vu. Ouais. Moi, je demande la parole et je la prends. Je voudrais dire deux points. D'abord, tu as dit tout à l'heure qu'il arrivait que l'indépendance arrive pratiquement du jour au lendemain. Je voudrais juste dire qu'en Belgique, on le sait ou on devrait le savoir, parce que fin des années 50, il y avait un plan d'un universitaire belge qui proposait l'indépendance du Congo sur 30 ans, dans 30 ans. Et le 30 juin 1960, le Congo était indépendant. Après, ils ont d'autres problèmes, mais en tout cas, ça n'a pas mis 30 ans. Espérons que ce sera pareil pour la Palestine, ce serait déjà bien. Deuxième point, c'est sur le soutien incroyable du monde occidental, de l'OTAN en gros, de l'Allemagne particulièrement, au génocide en cours et à Israël en général. Est-ce que, en plus d'être une solidarité civilisationnelle, parce que Israël se définissant comme un pays occidental, bah, c'est ce que les Occidentaux font. Ils génocident, ils tuent, ils pillent, ils mentent, ils brisent toutes les règles qu'eux-mêmes ils établissent depuis 500 ans, depuis les Lumières, et même avant ça. Donc en plus de... Là, c'est un peu d'ironie peut-être, mais en plus de cette solidarité civilisationnelle qui vient par réflexe, est-ce qu'il n'y a pas un fait qui confirmerait encore plus que le sionisme est un antisémitisme? C'est que tous ces gens, et surtout en Allemagne, qui après avoir essayé de les exterminer en Europe, les ont ensuite soutenus pour être mis dans une réserve en Asie occidentale sur une terre arabe. Est-ce qu'ils ne les soutiennent pas aussi à fond parce qu'ils ont peur que... Et au mieux soutiennent une solution à deux États parce que, en tant qu'antisémites historiques et contemporains, bah, ils n'ont vraiment pas envie que les Juifs reviennent, quoi. Voilà, c'est ma question. Pour rester un peu dans le même canevas, en tout cas, qu'est-ce que vous pensez, en fait, de cette nouvelle plaque sur laquelle nous sommes tous aujourd'hui, qui est celle du multipolaire, du monde multipolaire? Donc depuis 2022, en fait, le monde a basculé. Et moi, ce qui me fait toujours rigoler, c'est que j'observe que personne ne le voit, ici, hein. Mais ça me rappelle, en fait, vers les années 2000, donc j'avais fait un voyage au Mexique, donc à Guadalajara, et j'avais rencontré des Nahuas, des Yucatecs et des Mayas. Et je suis resté quelque temps avec eux, mais ils vivaient dans un autre monde, quoi, carrément, quoi, déconnectés de la planète. Et effectivement, depuis 2022, quand on voyage et qu'on va dans certains endroits, en fait, on voit, en fait, que le monde a basculé. Mais quand on revient ici, en Europe ou en Occident, on se dit, mais c'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? Donc, cette semaine, en fait, à Moscou, il y a eu, en fait, une conférence sur le multipolaire. Donc, beaucoup de panafricanistes étaient présents et certains m'ont fait rapport. Mais pour eux, maintenant, c'est évident. En fait, maintenant, c'est le multipolaire. Et l'avantage du multipolaire, c'est quoi? C'est que depuis 1989 jusqu'à 2022, en fait, nous avons vécu dans la globalisation unipolaire américaine néolibérale. C'est vrai qu'il y avait peut-être une généalogie avec la création des Nations Unies en 1948, il y a un peu précédemment avec la Société des Nations, mais c'est l'idée de globalisation. Mais cette globalisation, en fait, où les Américains disaient « c'est ça la vérité », tout le monde disait « oui, c'est ça la vérité », il y a eu deux génocides qui ont été reconnus parce que les Américains ont dit « c'est ça la vérité », « oui, c'est ça la vérité ». Mais aujourd'hui, depuis 2022, c'est terminé. Aujourd'hui, avec le monde multipolaire, c'est un monde de multiculture. Hein, donc mes amis Yucatecs, Noas et Mayas sont heureux. Même nous, je crois que les Arabes aussi ou tout autre peuple doit être heureux aujourd'hui parce que c'est la multiculture. On accepte d'autres vérités, des multivérités. C'est ça, des multivérités. Ça veut dire que la vérité d'hier n'est plus aujourd'hui la vérité dans le monde multipolaire. Parce que dans le monde multipolaire, il existe plusieurs vérités. Et donc, moi, c'est ce que je voulais savoir un peu au niveau épistémologique. Est-ce que finalement, dans le combat décolonial de cette lutte palestinienne, est-ce qu'en fait, il ne faut pas rentrer dedans? Il ne faut pas rentrer dans cette dynamique. Je crois que vraiment, c'est le moment. Voilà. Ben, on commence là. Ouais. Non, si. C'est ce qui est dommage, c'est que c'est le monde arabe qui, chez nous, est en train de nous permettre de rentrer là-dedans, non ? Je pense que c'est pas étrange pour pas mal de gens de penser qu'on est en train de revivre quelque chose qu'on a déjà passé, un certain moment du passé, non ? L'autre jour, j'avais commencé en train de dire que je suis en train d'écrire ces textes autour de Gaza et la Palestine, et on va finir par mentionner Gramsci quand il écrit en 1929 que c'est les moments de monstre. Et je pense qu'on est dans ces moments-là. Il écrivait ça en 1929, non? Et ces moments de monstre, c'était un peu avant de cette moment multipolaire, de non-aligned movement, de tous ces mouvements révolutionnaires. Et moi, je crois que quelque part, c'est tout à fait c'est ce qu'on est en train de voir. On les voit effectivement avec les BRIC et comment cet moment Ukraine-Russie, l'invasion de la Russie à l'Ukraine et les mouvements de la NATO et l'Europe en train d'essayer de mettre de l'argent et des armes pour créer quelque chose qui probablement aurait été résolu d'une autre façon, certainement, non ? Mais l'Europe en train de suivre les dictats des États-Unis comme si on n'a pas quelqu'un qui est en train... Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez hallucinant de voir comment l'Union européenne... Mais moi, j'étais étonné de voir la réaction de l'Union européenne qui a toujours, quelque part, cette ligne libérale. Et quand, les octobre 7, après ça, on a vu comme cette ligne a été perdue, sauf dans des pays comme la Belgique, qui a gardé ou essayé de garder cette ligne, même s'il n'a pas été une position très radicale et très pro-palestinienne à la fin du jour. Mais oui, moi je pense qu'il y a ça. Et je te raconte une petite anecdote d'il y a 2 ans encore en Allemagne, mais dans le monde des arts, il y a cet événement qui s'appelle Documenta. Je pense que j'avais parlé déjà de cet événement. C'est un des plus grands moments de rencontre des artistes européens. Et c'est la première fois qu'un collectif est invité, pas un individu ou deux individus ou quelques individus, mais un collectif indonésien. Ils ont été invités et ils ont été donnés tout cet argent et ils sont décidés, bah, cette année, ça s'est fait, cet événement chaque 5 ans. Et ils se sont dit, bah, on ne va pas faire un truc dans lequel on ouvre nos portes et on va vendre de l'art aux gens qui viennent l'acheter, on va faire un truc collectif. On va essayer de penser qu'est-ce que ça veut dire faire l'art en tant que collectif et comme un processus sans devoir avoir un produit à la fin. Ces collectifs ont invité des autres collectifs. Et beaucoup de ces collectifs étaient de collectifs du Sud. À la fin du jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Avant même que cet événement a commencé, ils ont été accusés d'antisémitisme parce qu'il y avait énormément de Palestiniens, et des Arabes, et des Cubains, et des Africains, et des Asiatiques. Alors, pour moi, ça a été très choquant de voir comment ces moments était un moment dans lequel, dans le cœur de l'Allemagne, il y a le fils et la fille des gens de mouvements non alignés qui arrivent en Europe pour essayer de raconter une histoire différente et qui amènent avec eux leur vécu, leur expérience, leur histoire. Et que pour l'Europe, pour les Allemands en particulier, cette histoire est encore indigérable. Et je ne sais pas si, bah, évidemment, bah, l'autre chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que je trouve l'Europe très provinciale. Et on le voit avec les vagues et vagues de migrants qui viennent ici. Des gens qui parlent 2, 3, 4 langues, qui ont vécu, c'est ce que personne n'a vécu. Et qui arrivent ici, ils sont traités comme de la merde parce qu'ils viennent d'ailleurs. Ça ne fait pas du sens. Ça ne fait aucun sens, quoi. Et c'est ce que moi je vois, c'est qu'il y a un provincialisme ici en Europe qui est très ancré et qui est moche en plus, parce qu'il est raciste. Et je ne pense pas que quand je parle avec des copains, copines qui viennent ici, me disent non, mais les gens, ils te regardent depuis un an parce qu'ils se croient supérieurs. Moi, je pense que le problème est qu'ils se sentent inférieurs. Et c'est ça. C'est ça la réaction qui est créée, non? Alors, ça par rapport à ce monde multipolaire. Et j'espère que oui, que s'il y a quelque chose à ce monde multipolaire qui va nous aider à avoir un monde plus juste, moi je suis tout partante et je vois qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans... Et avoir une indépendance. Alors, pour ces questions d'indépendance, oui, des fois, ça arrive d'un jour à l'autre, des fois, ça n'arrive pas. Mais je pense que les points étaient clairs, non ? Qu'il faut quand même y penser à ça aussi, être préparé, non ? Parce qu'on a vu, et Fanon nous a rappelé, ces pitfalls of the national consciousness, non ? Que tous ces mouvements décoloniales, après, qu'est-ce que ça donnait ? Pas des choses très beaux. Alors, il faut y penser, il faut être prêt, il faut être alerte. Et, OTAN, Allemagne. Oui, je ne sais pas si je vais répondre là à ta question, mais ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser, quand j'ai commencé à voir des gens en Bolivie, des Israéliens en double citoyenneté, qui ont commencé à prendre l'avion pour retourner, pour prendre les armes et aller lutter à Gaza et commettre ce génocide. Et on a vu des avions des Anglais, et on a vu des avions des Français, et des Belges, et des Hollandais. Et ça me faisait penser, tu vois, que l'État d'Israël, pas, c'est ce qui est plus évident, c'est qu'ils sont rien sans les supports des États-Unis, de façon financière, armée, etc., mais, et que ça montrait évidemment que c'est une colonie, une outpost, non ? Comme on dit, non ? D'Occident, avant-poste. Mais que c'est un avant-poste, pas israélien, que c'est avant-poste impérial dans tous les sens que ça veut dire, dans lesquels des gens qui sont citoyens de ces pays européens ou du monde du Nord principalement, mais aussi de l'Argentine, qui sont là en train de prendre les armes quand ils le veulent. Non ? Et beaucoup de fois, on a entendu que non, l'Israël n'est pas un colonialisme du peuplement parce qu'il n'y a pas un métropole. Non ? C'est ce qu'on dit. Mais c'est ce qu'on voit, c'est que l'Israël, en tant qu'État, a plusieurs métropoles. Et ça, c'est OK. Ce n'est pas un problème. Ça reste du colonialisme, du peuplement. Il y a plusieurs métropoles. Cette solidarité civilisationnelle... c'est hallucinant de voir que ce discours... impérial, colonial, qu'on croyait du passé, ça reste et que ça passe. Et que le président d'Israël, Herzog, peut aller en télé et dire ça et que les canaux de TV et radio reprennent ça. Et que les gens qui vont à la télé, à la radio, ici en Belgique ou ailleurs, qui parlent de la Palestine comme ils parlent de la France, comme ils parlent de la culture, comme ils parlent de n'importe quoi, ils parlent. Et que ça passe. Et il répète ses arguments. Ça reste étonnant. Ça, ouais, un mystère. Mais ça ne devrait pas l'être, peut-être. Ouais. Merci pour votre intervention, votre témoignage. Je n'ai pas vraiment une question, c'est plus pour participer à l'échange. Mais des termes que je n'ai pas entendus ce soir, que je voulais amener ce soir. Ici, vous venez de parler justement de la radio, de la télévision. Effectivement, pourquoi est-ce que nous sommes ici si ignorants de la question palestinienne ? Pourquoi sommes-nous tellement muets, aphones ? Pourquoi sommes-nous tellement ignares ? C'est que nos médias ne véhiculent en rien la question palestinienne. Nos médias ne véhiculent que le point de vue israélien. Je suis sidéré de voir la différence du traitement de l'information, ne fût-ce que par les images. Quand on regarde RTBF, RTL, TF1, France 2, France 3, etc., Euronews, France 24, et quand on regarde Al Jazeera anglais, depuis 5 mois, je pense que Al Jazeera Angleterre a produit des centaines de podcasts, de documentaires sur tous les sujets possibles et imaginables, grâce aux journalistes palestiniens qui sont au prix de leur vie sur le terrain à tout moment, jour comme nuit, sous les bombes, et dont les journalistes sont assassinés et les familles visées directement. Ça, c'est une première chose. Donc l'invisibilisation de ce qui se passe est organisée par nos médias, ce qui est compréhensible, sachant que nos médias sont aux mains de vendeurs d'armes. Et donc, à qui profite cette attaque israélienne sur Gaza? À qui profite ces actions militaires? À tous les vendeurs d'armes. Europe, États-Unis et tous ceux que je ne connais pas. Mais donc, ça aussi, c'est extraordinaire. On a parlé tout à l'heure de du romantisme de la lutte armée, de la résistance palestinienne, qui tout à coup s'arrêtait dès que les Palestiniens prenaient justement les armes et commettaient un acte militaire. Ce qu'on observe aujourd'hui aussi, c'est l'appropriation et l'exclusif usage des armes par l'Occident, par Israël, par les États-Unis. Eux ont le droit. Même si, on est d'accord, dans le droit international, c'est horrible, tout est condamné, tout est condamnable, et tout est reconnu comme étant illégal, mais ils ont quand même le droit de continuer. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Israël mettre en avant la légitime défense, alors qu'ils sont occupants. Donc, dans le droit international, la légitime défense ne peut pas tomber pour l'occupant. Les Palestiniens sont dans la légitime défense. Est-ce qu'on entend ça une fois? Jamais. Vous parliez aussi, enfin, on a entendu tout à l'heure le fait que, bon, toujours l'ignorance et on connaît mal le sujet. J'ai parlé récemment avec une intervenante qui est passée ici, qui m'expliquait qu'en Israël, l'école, les enfants de bas âge, 3, 4, 5 ans à l'école, on les endoctrine. Vous parliez tout à l'heure, vous avez utilisé le mot hypnotisé. Est-ce qu'ils sont hypnotisés? Effectivement, on les endoctrine. On leur lave le cerveau en leur montrant les images de l'Holocauste qui a eu lieu en Europe, ici, en Allemagne, en France. Il n'y a pas eu que l'Allemagne, évidemment. Tous les autres pays européens étaient complices et ont participé au génocide des Juifs. Et donc, en Israël, les enfants ils sont baignés dans la peur. Ça aussi, c'est un mot que je n'ai pas entendu ce soir, mais les Israéliens, et on fait la même chose ici en Europe, on provoque, on crée, on fait monter la peur. Parce que quand les gens ont peur, ils réagissent avec l'émotion, ils réagissent au quart de tour. Et donc on peut raconter des horreurs qui ne se sont pas produites, des dizaines d'enfants qui auraient été décapités, des bébés décapités. Les hôpitaux israéliens ont donné des résultats comme quoi il n'y a pas eu de bébés décapités. Les journalistes intègrent ont rapporté qu'ils n'ont pas pu constater ces faits. Par contre, ici, c'est devenu le relais partout, tout le monde l'a répété, et c'est rentré dans la tête des gens. Et donc, les gens sont convaincus, justement, de cette victimisation à outrance qu'utilise Israël. Ouais. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y a trop. Ouais, merci. Merci à vous. Merci. Clarifier que quand moi je dis ignorante, moi je ne pense pas que ça c'est un attribut négatif. Moi je me considère ignorante et je sais que je le serai toute ma vie et que je vais essayer de travailler pour apprendre plus et ça me fait énormément plaisir, non? Alors clarifier cette idée d'ignorance. Mais c'est vrai que cette ignorance, comme le disait. Avant, comme vous disiez avant, ça vient de d'un effort qui est articulé et qui, on les voit très clairement dans les médias. Et il faut être très clair, non, que le sionisme, il est très bien organisé. Il y a une énorme infrastructure qui a toute une histoire de censure et répression et de se mobiliser dès qu'il y a une opportunité de parler de la Palestine et de façon critique de l'Israël. C'est pas qu'aujourd'hui qu'on voit des événements pour la Palestine qui se voient cancellés, comme on les voit par des centaines maintenant en Allemagne, mais ça... Et il faudra l'écrire un jour, les événements partout dans le monde qui se sont fait canceller. Quand il y avait des Palestiniens qui parlaient, ou qu'il y avait des autres qui parlaient pour la Palestine de façon critique, non ? Alors, c'est clair qu'il y a cette infrastructure. Nous, moi, à l'université, à Gand, à l'ULB, pas encore, mais à Gand, chaque fois qu'on organisait ce festival qu'Enordine mentionnait autour de la Palestine, ou des activités, il y a l'ambassadeur ou l'ambassadrice israélienne qui vient et qui sonne à la porte de l'université pour dire « mais ça, il faut canceller, ou il faut rajouter un Israélien ». Alors, ils sont forts là-dedans, non ? Et ça, on les voit dans la façon dans laquelle, comment on peut parler de la Palestine et codifier dans les règles de journalistes dans certaines plateformes. Et ça se passe en Allemagne, ça se passe en Angleterre avec les BBC, ça se passe aux États-Unis. Alors ça, c'est clairement quelque chose qui pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est là. Mais on le sait et on continue à faire notre truc, non ? Parce que je pense que c'est important de ne pas mettre seulement l'attention sur le fait qu'il y a énormément de répressions et qui sont tellement organisées, que ça ne nous permet pas et nous immobilise parce que justement, il y a une peur de fois, non ? Mais je pense aussi qu'à ces moments-ci, et je le vois, on peut avoir peur de perdre nos boulots et notre travail et de que quelqu'un dit quelque chose, de se faire dénoncer. Mais je pense, et tout le monde doit décider c'est quoi leurs conditions et décider par eux-mêmes qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on est prêt à risquer. Mais dans un génocide comme aujourd'hui, mais n'importe comme des autres génocides avant, il faut parler. Il faut stick your neck out, non ? Et il faut risquer, non ? Et c'est un devoir, encore une fois, pas pour la Palestine, mais pour nous-mêmes. Et oui, les armes, bah, l'industrie des armes, on l'a vu avec l'Ukraine. Moi, j'arrive pas à comprendre la complexité de pourquoi certaines décisions se prennent. Moi, je comprends pas pourquoi les États-Unis, aujourd'hui, avec les élections au lendemain qui vont se passer, continuent à appuyer l'État sioniste d'Israël avec cette génocide quand ils savent qu'ils vont perdre des votes. Et pour quelqu'un qui vient et me dit « Ouais, mais c'est l'industrie militaire qui sont en train de gagner de l'argent », pas assez, non, comme argument non plus, non. Mais ça, c'est clair et certain qui est en train de se passer et qu'avec chaque crise, il y a énormément de gens qui font de l'argent dans les dos des gens qui sont en train de souffrir, quoi. Ça, c'est clair et certain. Oui, merci. En fait, je voulais aborder un sujet qui m'interpelle. Je travaille dans l'enseignement. Et donc, j'ai pas mal de contacts avec les jeunes issus de l'immigration, de la deuxième génération. Et j'ai abordé assez régulièrement le sujet avec eux, et depuis, évidemment, le mois d'octobre. Et ce qui, moi, m'a interpellé, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que le sionisme est une forme de racisme. Ça me paraît évident. Mais le problème, c'est que les jeunes ont intégré par effet miroir la position de l'oppresseur et réagissent également en référence à une forme de racisme. C'est-à-dire qu'ils sortent du combat que nous, on doit mettre sur pied, c'est-à-dire l'impérialisme, et ils sont vraiment dans une analyse de l'ennemi, c'est le juif, et pas l'ennemi, c'est le sioniste. Et ça m'interpelle très fort, c'est ce que j'appelle l'effet miroir. Et je pense que quand l'opprimé va sur le terrain de bataille de l'oppresseur, il est perdant. Et donc ma question, c'était comment est-ce qu'on peut combattre ça? Parce qu'en dehors des milieux académiques, des milieux intellectuels, qui sont certainement très intéressants, qui sont certainement nécessaires, c'est cette partie de la population-là aussi dont on a besoin pour gagner. Ma première impression, c'est que, et je ne vais pas dire que vous n'avez pas raison, parce que c'est vous, les profs, vous voyez ça, mais cet argument, souvent, ça arrive qu'il y a des gens qui disent que les gens issus de la migration sont antisémites. Parce que finalement, si j'ai bien compris, c'est ça que c'est-à-dire que quand on est posé dans un scénario comme aujourd'hui, et spécialement quand on parle de la Palestine, que voilà, immédiatement, il y a cet antisémitisme qui est là, latente, ou qui s'exprime. Et moi, je trouve cet argument problématique. Qu'on dit ça. Moi, je connais pas tellement ça comme un phénomène. En même temps, je trouve que pas tout le monde a nécessairement les moyens d'exprimer comment ça s'est fait. Et je ne sais pas si vous êtes éducateur dans une école ou dans une université ou... Non, dans une école secondaire. Une école secondaire. Alors que, comme on disait, s'il y a... D'enfants issus de milieux sociaux défavorisés. Oui. C'est-à-dire des Noirs et des Arabes. Oui. Et des Ukrainiens maintenant aussi. Oui. C'est sûr, on peut le dire. Voilà. Mais si... Non, vas-y. Par rapport à l'effet miroir, en fait, moi, quand j'entends ça, là, tout d'abord, je suis fier. En fait, que des jeunes issus de l'immigration aient encore cette dignité de se projeter et de se reconnaître dans les Palestiniens. Moi, je vais parler de mon expérience. Quand je suis allé en Palestine en 2001, en face de moi, je n'ai pas vu des Palestiniens. J'ai vu mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Et donc, ces jeunes issus de l'immigration, je ne pense pas que dans les... Malheureusement, mais... Peut-être je me trompe, que dans les écoles UP de Uccle, Waterloo, les jeunes s'identifient aux Palestiniens, malheureusement. Je ne pense pas. Donc, que les jeunes, d'autant plus des gamins, en fait, identifient Israël aux Juifs, en fait, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal quand des adultes universitaires, académiques, font cette distinction, ne font pas cette distinction, qui est tout à fait normal. Quand le gouvernement sioniste, lui, prétend parler au nom de tous les Juifs, quand les crimes, quand les sionistes font tout pour que l'identification du sionisme soit liée au judaïsme. Donc, en fait, je dirais... C'est à vous de bosser. Oui, exactement. Et on est là pour bosser sur ça. Donc, peut-être que vous ne pouvez pas le faire en classe, mais peut-être leur suggérer de regarder les vidéos de Bruxelles Panthère qui a invité Michel Siboni et Michel Stavchaski, qui sont deux juifs anti-sionistes, de la conférence de ce soir, en fait. Aussi, où on a pas mal abordé la distinction entre sionisme et judaïsme. Il y a un petit bouquin là à l'extérieur qui est en vente à 10 euros. Je pense qu'il est fait par un prof qui est vraiment que je vous conseille. Donc, plutôt en termes de pédagogie, servez-vous en fait de ces jeunes qui font un amalgame entre judaïsme et sionisme. Par contre, une point de précision, je pense qu'ils sont au cœur de la lutte contre l'impérialisme. Quand ils dénoncent leurs conditions d'Arabes, ici à Bruxelles, alors qu'ils sont nés à Saint-Pierre, ou en tout cas qu'ils sont nés à Bruxelles, il faut leur démontrer en fait, qu'ils sont dans une... qu'en luttant pour leur cause, qu'en luttant pour les Palestiniens, en fait, ils sont dans le juste et qu'ils luttent contre le colonialisme, l'impérialisme, le sionisme... Donc, moi, ce que je vous lance comme perche, c'est, si vous voulez, c'est qu'on peut plancher sur comment discuter avec ces jeunes. Pourquoi pas faire entrer d'autres personnes dans les classes où ils s'identifient, en fait. Pourquoi ne pas inviter Michel Stafchaski, qui est votre collègue, qui est prof, qui a écrit un livre. Donc, peut-être c'est plus facile de faire entrer quelqu'un de l'UPJB qu'un arabe de Bruxelles Panthère. Mais c'est pas grave, le discours est le même. Donc, les directions, peut-être, ont plus facile. Donc, voilà quelques pistes que je peux vous proposer. Allez-y, monsieur. Merci. Moi, en écoutant nos deux camarades et derniers intervenants, j'ai le sentiment qu'on est confronté à chaque fois à un impensé qui est peut-être le même, au fond. Monsieur vous disait que ces réactions des jeunes issus de la migration fonctionnent comme en écho au discours israélien. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils fonctionnent en écho à la vision dominante bien de chez nous, qui est l'expression d'un impensé raciste et colonial. Et de même que je n'ai pas le sentiment que les médias reproduisent le discours d'Israël et ne parlent pas pour Israël, mais bien pour nous et pour eux-mêmes. Et je trouve que c'est problématique de recycler cet impensé à travers ces caractérisations, parce que finalement, ce trou noir dans lequel le sionisme... nous entraîne, en fait, c'est pas celui du sionisme, c'est le nôtre. Voilà, c'est mon ressenti. Merci. On peut l'appeler blanchité, on peut l'appeler de toutes sortes de façons. Merci. Je pense que... je pense que c'est ce qui a été dit, c'est parfait. Merci encore beaucoup pour faire du temps pour venir. Un vendredi, quand vous pourrez être quelque part d'autre. Alors, apprécie énormément. Et encore merci à vous pour votre série des interventions super importantes et le travail que vous êtes en train de faire et que vous avez fait. Merci, Romain. Voilà. Je voudrais juste conclure avec une pensée. Une pensée... j'y ai pensé cette semaine. Et en tant que croyant, donc prenez-le comme vous voulez, je me suis dit, subhanallah, qu'est-ce que Dieu nous a mis devant nous? Un blanc, américain, militaire, qui nous représente la dignité, en fait. Tout ce qu'on pourrait, en fait, de penser, ne pas aimer, en fait, quand les gens pensent qu'on peut avoir une haine, en fait. Donc, je pense à un frère qui a eu le sens de la dignité pour son pays. La seule dignité qu'on peut voir dans ce pays, elle est de devoir s'immoler. Donc vraiment une pensée à Aaron Bushnell, et ça permet aussi d'une autre personne à qui j'ai une pensée là, à sa famille, qui a été assassinée en mars, le 16 mars 2003. C'est Rachel Corrie, une blanche américaine qui a quitté sa famille, son pays, pour aller se mettre aux côtés de ses frères et de ses sœurs palestiniens. Je vais me permettre de lire, parce qu'on a parlé de génocide. Qu'est-ce qu'on fait si la Cour de justice internationale dit qu'il n'y a pas de génocide? Et je te disais, le génocide, c'est depuis 48, comme tu le dis. Donc, je vais vous lire un petit passage d'un courrier de Rachel Corrie, qui écrit en février 2003. Un mois avant qu'elle se fasse assassiner, écrasée par les bulldozers, ouvrez les guillemets. Quand je reviendrai de Palestine, je ferai probablement des cauchemars et je me sentirai constamment coupable de ne pas être là. Mais je ne peux canaliser cela vers davantage de travail. Venir ici est l'une des meilleures choses que j'ai jamais faites. Alors, quand j'ai l'air fou, ou si l'armée israélienne doit rompre avec sa tendance raciste à ne pas blesser les Blancs, veuillez en attribuer clairement la raison au fait que je suis au milieu d'un génocide que je soutiens aussi indirectement et dont mon gouvernement est en grande partie responsable. Voilà.